Toute la Corée s'est engagée dans la campagne de 200 jours pour ouvrir une brèche à l'accomplissement de la stratégie quinquennale de l'État pour le développement économique présentée lors de l'historique 7e congrès du Parti Travail de Corée. À l'échelle nationale, les travailleurs de tous les secteurs de l'économie ont dépassé le plan du premier jour de la campagne de 200 jours.